بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On a vu hier le sujet de المضمضة والاستنشاق. Est-ce que il est obligatoire durant les ablutions de faire المضمضة et الاستنشاق? On a vu l'avis de الجمهور, la majorité des savants, les quatre mazahib, al-Shafi'iyya, al-Malikiyya, al-Hanafiyya, qui est que c'est pas obligatoire. Et l'avis de al-Hanabila qui dit que c'est obligatoire. Et on a vu l'avis le plus juste qui est que c'est obligatoire. La preuve, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'a pas délaissé Al-Madmada ainsi que Al-Istinshaq une seule fois. Naam. Wa fil hadith thumma ghassala wajhahu thalathan. Il y a dans le hadith, après qu'il a fait Al-Madmada et Al-Istinshaq, Uthman, il est cité thumma ghassala wajhahu thalathan. Et ensuite il a lavé son visage trois fois. فلو أن إنسانا ناسيا فقدم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق. Et donc si une personne elle oublie, elle fait ses ablutions et elle lave son visage avant de faire al-madmada et al-istinshaq. Est-ce que ces ablutions sont valables ou pas? Tu arrives, tu laves tes mains et ensuite tu laves ton visage. Et là tu te rappelles, ah mince. Et donc tu fais le madmada al-istinshaq. Et ensuite tu vas au bras. Non? Dans un ordre précis. Tayyib. Alors maintenant je te dis, si tu fais tes ablutions, les mains, le madmada al-istinshaq, le visage, et ensuite tu commences par le bras gauche avant le bras droit. Valable ou pas? Et donc c'est pas obligatoire de commencer par la droite. Mais c'est recommandé, mustahab. Les savants ils ont dit pour al-madmada al-istinshaq, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que ça fait partie du visage. Rappelez-vous, hier on a dit l'imam Ahmed qui nous dit que al-madmada al-istinshaq sont obligatoires. Pourquoi? Parce que la bouche et le nez font partie du visage. Et donc le fait que la personne ait oublié, ça fait toujours partie du même membre, là, qui est donc le visage. Et donc à ce moment-là, on va dire à la personne, tes ablutions sont toujours valides. Mais il est préférable de commencer par Al-Madmada ou Al-Istinshaq. Et ensuite, il est cité dans le hadith, « Wa yadayhi ila al-mirfaqayni thalathan » Et ensuite, il a lavé les deux mains jusqu'au coude, trois fois. اتفق العلماء على وجوب غسل اليدين الى المرفقين. Et donc les savants sont unanimes sur le fait qu'il est obligatoire de laver les mains durant les ablutions jusqu'au coude. لكنهم اختلفوا في ادخال المرافق او لا. Cependant ils ont divergé. Est-ce qu'on va aussi laver les coudes ou pas? Et donc ils sont unanimes sur le fait que durant les ablutions, on doit laver les mains jusqu'au coude. Mais est-ce qu'on va aussi laver les coudes ou pas? Elle est là la divergence. فذهب الجمهور وهم الأئمة الأربعة إلى وجوب إدخال المرفق في غسل اليد. الجمهور, la majorité des savants, qui sont donc ici les quatre imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed, ils voient qu'il est obligatoire de laver les coudes. Donc tu laves les mains avec les coudes. Pourquoi? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit farsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Et donc, et lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes. Qala al-jumhur Afwan, wa qala at-ta'ifa wa hum adh-dhahiriyya. Cependant, il y a un groupe de savants qui sont adh-dhahiriyya. Ils ont dit al-mirfaq la yadkhulu fil ghasl. Ils ont dit le coude ne rentre pas dans le lavage. Ne faut pas, ce n'est pas une obligation de laver le coude. Pourquoi ? Ils ont dit lafzu ila, la signification du mot ila, pour ceux qui apprennent l'arabe en ce moment. Ila, ça veut dire quoi ? En plus, vous êtes tous les deux à côté, mashallah. Na. Donc c'est un objectif. Voilà, un objectif. Ils nous ont dit ila lil raya. C'est un objectif. Cependant, ça ne veut pas dire que le coude, il rentre dedans. Ne voyez-vous pas la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il dit thumma atimu siyama ila al-layl. Puis, complétez le jeûne jusqu'à la nuit. Est-ce que vous jeûnez la nuit? Non. Et donc, il a l'objectif, c'est de jeûner jusqu'à la nuit. Mais la nuit ne rentre pas dans le jeûne. Ils disent, il a ici pour les ablutions, c'est la même chose. Que l'eau arrive jusqu'au coude, mais que le coude ne rentre pas dedans. Pourquoi? C'est un objectif. Mais cela ne veut pas dire que cet objectif, il rentre dans la partie à laver. Qala al-jumhur inna sunnata qadiyatun fi dhalik. Li'annahu ja'a fi sahih Muslim min hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yaghsilu zira'ayhi hatta yashra'a fi al-'adudi. Al-jumhur, ils ont dit que la sunna, c'est la sunna qui va expliquer la signification, donc, de l'rasl ici. Comme on avait dit pour les sujets précédents. Que c'est la sunna qui nous montre comment faire. Il a été rapporté dans le recueil de Muslim, selon Abi Hurairah radhiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions jusqu'à ce, et donc il a lavé les mains, jusqu'à ce qu'il entame al-adud, le bras. D'accord? Et donc jusqu'à ce qu'il entame le fait de laver le bras. Et donc ici, Abu Huraira ne nous a pas dit qu'il s'est arrêté avant le coude, mais il nous a dit « Hatta yashra fil adud » jusqu'à ce qu'il lave et qu'il entame donc de laver le coude. Al-Jumu'i, ils se sont appuyés sur ce hadith. « Wa qala ba'du al-ulama inna ila qad ta'ti bi ma'na ma'a » Certains savants, ils ont dit que « ila », le mot « ila » peut aussi avoir la signification de « ma'a ». Comme par exemple dans la parole d'Allah, « Tabaraka wa ta'ala wa yazidukum kuwatan ila kuwatikum » Et il augmentera, donc il vous augmentera de la force avec votre force. Avec la force que vous avez déjà, il vous augmentera, il vous rajoutera de la force. Et il y a d'autres qui ont cité d'autres versets sur lesquels il y a divergence dans l'interprétation, comme par exemple فَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ. Donc ne mangez pas. Ici, لَا تَأْكُلُوا, ils vont dire, ça veut dire لَا تَخْلِطُوا, ne mélangez pas. Ne mélangez pas leur argent, l'argent des orphelins, ila, ne mélangez pas leur argent avec votre argent. Ne mélangez pas leur argent avec votre argent. Mais attention, ici, il y a divergence sur la signification du mot ila. Aussi, une autre signification qui a été citée dans Tafsir ibn Kathir, dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsque Isa y dit, Man ansari ilallah. Man ansari ilallah. Aïe, man yansuruni ma'allah. Man ansari ilallah. Donc ici, il explique une des explications qui a été donnée. Qui m'aide avec Allah. Et donc, Il nous questionne, il dit, cet avis n'est pas l'avis le plus prépondérant. Mais ici, on voit donc que déjà certains Arabes avaient montré que ila pouvait avoir le sens de mea, avec. Dans la langue arabe, on a déjà vu que les mots dans la langue arabe peuvent changer en fonction du contexte. On a ila, comme on dit, Ein Allah, où est Allah? Fis semer. Fis semer, ça ne veut pas dire dans les cieux. Mais au-dessus, là ça veut dire ala. Pourquoi? Comme dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Fasiru fil ard. Voyager fil ard. Est-ce que ça veut dire voyager dans la terre? Non, c'est voyager sur la terre. Et donc les mots dans la langue arabe vont varier en fonction du contexte. Idan al-Rajih, et donc l'avis le plus juste dans ce sujet, Inch'Allah ta'ala, c'est l'avis de qui? Al-Rajih. L'imam al-Arba? Et donc c'est quoi? Al-Wujub Rasl al-Adoud. Donc l'obligation, les quatre imams qui disent l'obligation de laver. Donc, le coude. Et ensuite, dans le hadith, il cite « Thumma masaha bi ra'sihi » Et ensuite, il a donc passé la main mouillée sur sa tête. « Ittafaq al-ulama ala anna masaha ra'si min furud al-wudu lakinnahum ikhtalifu fil qadr al-mujzi'i min dhalik » Les savants sont unanimes sur le fait qu'il est obligatoire de passer la main sur la tête mouillée durant les ablutions. Cependant, ils ont divergé sur la quantité. C'est-à-dire, est-ce que c'est toute la tête ou est-ce que c'est une partie? Abu Hanifa wa Shafi'i qalu al-wajibu huwa mashu ba'd ar-ra's. Abu Hanifa ainsi que l'imam Shafi'i, ils ont dit que l'obligatoire, c'est de laver une partie de la tête. C'est pas toute la tête, une partie de la tête. Et eux-mêmes, ils ont divergé. Abu Hanifa, il a dit Ar-Rub'. Ar-Rub', le quart de la tête. Et donc, tu fais à peu près le quart de la tête, ça suffit. Al-Shafi'i, il dit Ayyu shay'in min ar-ra's. Il dit peu importe la quantité de la tête. Certains savants, ils ont dit Wala ou Sha'ra, même si c'est un cheveu. Peu importe. À partir du moment où tu as mouillé, tu as passé un peu sur ta tête, khalas. Quelle est la preuve? Istadallu bi hadithin sahihin. Ils ont utilisé, ils se sont appuyés sur cela, pour cela, sur un hadith qui est authentique. Anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam tawadda'a fa masaha bi nasiyatihi wa 'ala al-imama. Et donc, le hadith, il stipule que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait une imama. Vous connaissez la imama? C'est donc ce que les Arabes, on peut voir, le turban qu'ils portent autour de la tête. Quand tu fais tes ablutions, c'est permis donc de passer ta main sur le turban, sans le retirer. Et il a été stipulé que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a passé sa main à la nasiyatihi, et donc sur le toupet, le début ici, wa ala al-imama, et ensuite sur le turban qui était enroulé autour de la tête. Et ils ont dit hadha dalilun ala annahu la yajibu mash ar-ra's kullihi. Ça c'est une preuve que il n'est pas obligatoire de laver, de passer la main sur toute la tête. Qala Malik wa Abu Hanifa bi wujub mash ar-ra's kullihi. Malik et Abu Hanifa, Malik et Ahmed, excusez-moi. Malik et Ahmed, ils disent qu'il est obligatoire de laver toute la tête, de passer la main mouillée sur toute la tête. Ra's kullihi. Daliluhum ma akhrajahu al-Bukhari an Abdullah ibn Amr annahu wasafa wudu' an-nabi sallallahu alayhi wa sallam famasaha bi ra'sihi aw famasaha ra'sahu bi yadayhi fa aqbala bihima wa adbar فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. Et donc, ils se sont appuyés sur un hadith dans Sahih al-Bukhari, selon Abdullah ibn Zayd, Abdullah ibn Amr, excusez-moi, qui décrivait les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui, donc, a passé les mains mouillées sur sa tête. Fait aqbala bihima wa adbar. Donc, il a commencé par devant, aqbala bihima wa adbar. Et donc, et donc, il a commencé au début de sa tête. Jusqu'à ce qu'il aille avec ses deux mains jusqu'à l'arrière de la tête. Et ensuite, il a ramené les mains. Il a ramené les mains à l'endroit où il a commencé. Et donc ici, Abdullah ibn Amr, il nous décrivait les ablutions du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous montre que le prophète, il a passé sa main entièrement sur sa tête. Et donc, qu'est-ce qu'on dit pour le hadith précédent? Pour finir le cours. Qu'est-ce qu'on dit concernant le hadith précédent? Sur le fait que le prophète, il a lavé une partie de sa tête. Il a passé la main mouillée sur une partie de sa tête. Mais comment on répond à ça? Il a lavé le turban en même temps. Masha'Allah, Allahu Akbar. Masha'Allah. Jazakallah khair. Et donc, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a passé la main sur un peu, sur une partie de sa tête, mais il a aussi lavé le turban. Et donc, al-Jumhur, ils ont dit, si, law kana mashu ba'd ar-ra's mujzi'an, liktafa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bil mashi 'ala nasiyatihi, wa lamma masaha 'ala al-imama. Ils ont dit, al-Jumhur, que si le fait de passer la main mouillée sur une partie de la tête était suffisant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas complété en passant la main sur le turban. Pourquoi? Parce que ça aurait été suffisant de laisser la main sur al-nasiya, le début donc de la tête. Et donc, l'avis le plus juste dans ce sujet, huwa qawl al-imam Ahmed, al-imam Malik ou al-imam Ahmed, c'est l'avis donc de l'imam Malik et de l'imam Ahmed qui stipule l'obligation de passer la main sur la tête tout entière. On va arrêter là pour ce soir, Inch'Allah ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde une science profitable et laisser capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Afikum barakallah.